règne, je règne, je règne, je règne. Je vole, je vole, je vole comme l'aigle. Je règne, je règne, je règne, je règne. C'est la promesse de Dieu pour moi. Je règne, je règne, je règne, je règne. Je vole, je vole, je vole comme l'aigle. Je règne, je règne, je règne, je règne. C'est la promesse de Dieu pour moi. Je suis un vaillant héros avec Dieu.